بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل اليوم في قراءتنا لهذه الرسالة المباركة التي هي ثلاثة الأصول وثلاثة الأصول هي الأسئلة الثلاثة التي تطرح على الميت بعد دفنه ألا وهي من ربك وما دينك ومن نبيك أو ماذا كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فالموفق المسدد الذي يثبته الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبت على إيمانه ويجيب بالإجابات الصحيحة فينجو دنيا وأخرى وأما الكافر أو المنافق فيجيب كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلته فيضم في قبره حتى تختلف أضلاعه ويعذب بالنار وغير ذلك من الأخبار التي ثبتت في السنة الصحيحة إلى أن تقوم الساعة أعاذنا الله وإياكم من ذلك. Donc nous allons continuer la lecture de ce petit livre qui est les trois fondements. Et les trois fondements sont en fait les trois questions posées au défunt après son enterrement par les deux anges Munkar wa Nakir. Et ces trois questions-là sont: qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et que disais-tu concernant cet homme-là qui a été envoyé à vous en tant que prophète et messager? Quant à celui à qui Allah Azza wa Jal a facilité, ou plutôt quant à celui qu'Allah Azza wa Jal va raffermir dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, et celui qu'Allah Azza wa Jal a guidé vers l'Iman ou l'Amal al-Saleh, et bien ce jour-là Allah Azza wa Jal va le raffermir sur la bonne réponse qui sera en conformité avec ses actes dans cette vie. C'est alors qu'il jouira des délices de la tombe et qu'il observera sa place au paradis à partir d'une fenêtre de sa tombe, et ce jour et nuit jusqu'au jour de la résurrection. Tandis que les négateurs ou encore les mécréants et les hypocrites ne répondront rien d'autre si ce n'est « Ah, ah, nous ne savons pas, nous avons entendu des gens dire quelque chose et nous n'avons fait que répéter. » Et ces gens-là subiront un châtiment de feu dans leur tombe et verront leur place en enfer à partir de celle-ci, jour et nuit. Et leur tombe se resserrera sur eux à tel point que leurs côtes se croiseront les unes et s'écraseront les unes contre les autres, et ce jusqu'au jour de la résurrection. Qu'Allah nous préserve de ce châtiment. Donc c'est ça les trois fondements, et c'est pour ça qu'il est très important de les comprendre. وَكُنَّا قَدْ ذَكَرْنَا فِي الدَّرْسِ الْمَاضِي مُقَدِّمَةَ هَذِهِ الرِّسَالَةِ واستفدنا منها فوائد كنا قد لخصناها ونذكرها من جديد. كنا قد ذكرنا لماذا بدأ المؤلف بالبسملة وتعلمنا أيضا ما معنى لفظ الجلالة الله وتعلمنا أيضا ما معنى لفظ الجلالة ما معنى الاسم ما معنى اسم الله عز وجل الرحمن والرحيم وما الفائدة من الجمع بينهما وذكرنا ما هي الفوائد المتضمنة في البداءة بالبسملة وذكرنا أيضا ما هو العلم وذكرنا أيضا لماذا قال المؤلف رحمك الله وذكرنا أيضا المسائل الأربعة وهي العلم والعمل والدعوة والصبر وذكرنا ما معنى العلم وهو معرفة الرب تبارك وتعالى ومعرفة نبيه ومعرفة الدين بالأدلة وذكرنا أيضا ما معنى العمل بهذا العلم وذكرنا أيضا أنه لا بد من تعليم الناس بعد أن علمنا وعملنا ثم وصلنا إلى الصبر إلى الصبر على الأذى فيه قال المؤلف الرابعة الصبر على الأذى فيه أي في التعلم والعمل والدعوة donc le cours dernier on avait entamé ce livre et on avait cité à la fin du cours les quelques points qu'on avait retenus de ce cours là que je vais reciter que je vais citer de nouveau on avait cité que voulait dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim on avait également appris pourquoi l'auteur a commencé par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim on a vu également que veut dire le nom Allah également que veut dire le nom ar-Rahman et ar-Rahim et pourquoi joindre entre les deux ar-Rahman ar-Rahim on avait également appris que veut dire al-ilm que veut dire la science et le savoir religieux on avait appris également pourquoi l'auteur dit rahimakallah sache qu'Allah te fasse miséricorde pourquoi ce dua on a vu également les quatre points qu'il est obligatoire à tout musulman de prendre en considération à savoir l'apprentissage l'application l'enseignement aux gens autour de nous de cette science qu'on a su et appliquée Et ensuite, on est arrivé donc au point qu'on va traiter aujourd'hui, qui est la patience et l'endurance. Donc, non seulement le musulman doit apprendre et appliquer et apprendre aux gens autour de lui, mais surtout, il doit patienter et endurer. Car il y a des difficultés, de la fatigue. Il y a également des injustices qui sont subies de la part de celui qui apprend aux gens et qui conseille les gens dans la religion. Et tout cela nécessite une patience de la part du musulman et de la musulmane et de l'endurance. Qala al-shaykh, al-rabi'atu sabru ala al-adha fih. L'auteur a dit, la quatrième chose qu'il incombe à tout musulman de prendre en considération, eh bien c'est la patience et l'endurance dans l'apprentissage, dans l'application, dans l'enseignement et le conseil donné aux gens. Et tout cela nécessite de la patience. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الصبر على ثلاثة أقسام الصبر ثلاثة أقسام فأما القسم الأول فهو الصبر على طاعة الله وأما القسم الثاني فهو الصبر عن معصية الله وأما القسم الثالث فهو الصبر على أقدار الله وأن لا يتسخط الإنسان ولا يمل مما قدر الله له فإذا الصبر على ثلاثة أقسام صبر في الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على الأقدار على القدر صبر على القدر وهذه هي أقسام الصبر الثلاثة فريد ما هي أقسام الصبر الثلاثة الصبر على معصية الله الصبر تعصي الله وتصبر في هذا يعني اولا الصبر على طاعه الله على طاعه الله القسم الثاني الصبر عن عن معصيه الله والثالث الصبر على القدر على اقدار الله الصبر على اقدار الله فهذه اقسام الصبر الثلاثه ما شاء الله الاخوه محمد ما هي الاقسام اقسام الصبر على أقدار الله Donc, le Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, nous dit que la patience, elle est de trois catégories, de trois types. Le musulman se doit à tout moment de patienter de trois manières différentes, dans trois choses différentes. Tout d'abord, patienter dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla. Patienter dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla. L'obéissance d'Allah Azza wa Jalla parfois nécessite de l'effort, nécessite de l'énergie, nécessite de la patience. Ça nécessite de l'effort. À titre d'exemple, un simple exemple, le fait de se réveiller à 4h du matin pour prier à Salat al-Fajr. Ça nécessite de la patience. Sahlana. Jeûner de l'aube jusqu'au maghrib. Ça nécessite de la patience. Sahlana. Deuxième catégorie de patience et d'endurance, c'est le fait de patienter dans le délaissement de la désobéissance d'Allah Azza wa Jalla. Le fait de patienter face au péché. Le fait de patienter face au péché. Et la troisième catégorie de patience, c'est le fait de patienter face au destin d'Allah Azza wa Jalla. Face au destin qu'Allah Azza wa Jalla a prescrit pour nous. فعلى المسلم أن يحبس النفس عن التسخط من الأقدار وأن يكون دائما نشيطا في الدعوة إلى دين الله وإن أوذي فإن أذية الداعين إلى الخير من طبيعة البشر قال تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا وكلما وأعلم أخي المسلم أنه كلما قويت الأذية قرب النصر كلما قويت الأذية قرب النصر. Donc le Cheikh Uthaymeen rahimahullah nous dit en résumé dans sa parole que le musulman se doit de retenir son âme et de retenir yani ses émotions face à ce qu'Allah Azza wa Jal lui prédestine. Et le musulman se doit également de toujours être aussi motivé et aussi volontaire dans le conseil et l'enseignement des gens autour de lui quant à la religion, par rapport bien sûr à ce qu'il a appris et appliqué déjà, parce qu'il a déjà passé les deux premières étapes. Et qu'il ne doit pas prêter attention au mal qui pourrait venir de la part des gens qu'il conseille. Parfois tu donnes un conseil aux gens, ne fais pas cela, c'est du polythéisme. Qu'est-ce que tu en sais, toi? Et toi, tu as vu ce que tu fais? Etc, etc, etc. Première chose. Qu'il peut, avec lesquels il peut te répliquer. Car personne n'est parfait. Toute personne a des défauts et des manquements. Donc il se peut que tu reçoives yani, des injures par rapport aux conseils que tu donnes. Donc tu dois patienter. Bien sûr, cela ne veut pas dire que tu peux avoir ces manquements-là, surtout s'ils sont graves. Et fais le conseil quand même. Non, tu dois bien sûr patienter sur l'obéissance à Allah Azza wa Jal, patienter face au péché, et ensuite patienter face à ce qu'Allah Azza wa Jal te donne comme épreuve. Et il faut savoir que l'injustice commise vis-à-vis des gens qui enseignent le bien et qui donnent le bon conseil est une nature chez les êtres humains. C'est naturel chez les êtres humains de répliquer à celui qui les conseille. C'est naturel. Et Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, et certes, bon nombre de messagers ont été traités de menteurs avant toi, ô Muhammad, mais ils ont patienté face à ces accusations de mensonges, et ils ont subi des injustices jusqu'à ce que la gloire leur est venue de notre part. Jusqu'à ce que la réussite et la gloire leur est venue de notre part. Sourate les Bestiaux, verset 37. Sourate les Bestiaux, verset 37. Et sache, mon frère, cher le Thémin, il te dit, sache que plus la difficulté est grande face aux gens dans le conseil, plus la difficulté et les répliques sont grandes et nombreuses, plus la réussite est proche. Plus la difficulté est grande, plus la réussite est proche. Cheikh il dit وليس النصر مختصا بزمن الداعي الى الخير بل قد تنجح دعوته ولو بعد موته بان يجعل الله قبولا في قلوب الخلق واخذا به وتمسكا به وهذا يعتبر نصرا للداعيه ولو كان ميتا. فعلى الداعي أن يكون صابرا على الدعوة مستمرا فيها. وها هم الأنبياء أوذوا بالقول والفعل. قال تعالى: كذلك من أتى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وقال تعالى: ولقد جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وانظر قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. هذه الآية: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فكان من المنتظر أن يقول: فاشكر نعمة ربك. ولكنه سبحانه قال: إنما نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. وما قال فاشكر، قال فاصبر لحكم ربك. ففي هذه الآية إشارة إلى أن كل من قام بهذا القرآن فلا بد أن يناله ما يناله مما يحتاج إلى صبر، مما يحتاج إلى صبر. وانظر إلى قول الرسول لما ضربه قومه وأدموه، قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. رواه البخاري ومسلم. Le cheikh il dit: et ce n'est pas une condition que ton conseil aux gens dans les choses religieuses donne ou porte ses fruits là tout de suite, pendant que tu es encore là et pendant que tu es encore vivant. C'est pas une condition. Il se peut que ta prêche et ton conseil aux gens réussissent même après ta mort. Même après ta mort. Et on le voit autour de nous. Combien de gens conseillaient leur famille dans la religion et leur famille ne les a jamais écoutés. Mais après leur mort, ils ont pris en considération et se sont rappelés de tout ce qu'ils leur disaient. Car ils ont été frappés par la mort. Donc ils se sont rappelés de ces conseils et ils les ont appliqués après, après sa mort. Et non pas pendant qu'il était encore vivant. Donc le cheikh, il dit: plutôt peut-être que tes conseils vont être appliqués et vont être profitables même après ta mort. Il se peut qu'Allah Azza wa Jal mette dans le cœur des gens une acceptation de ce que tu leur disais dans la vérité, comme vérité. Il faut donc que le prêcheur, Allah Azza wa Jal, patiente dans cela. Et qu'il prenne donc comme exemple les prophètes. Voici les prophètes qui ont subi des injustices verbales et physiques. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran al-Karim: ainsi, à chaque fois qu'un messager leur venait, ils le traitaient de sorcier et de fou. De sorcier et de fou. Également, Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran al-Karim, dans le sens du verset: ainsi nous avons donné à chaque prophète des ennemis parmi les criminels. Pas des ennemis parmi les vulgaires ou parmi... Non, parmi les criminels. Ils commettaient des actes criminels envers les prophètes. Ils les tuaient. Alayhi salatu wa salam. Pas juste ils se faisaient insulter, ils les tuaient. Taïm. Également, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim à son prophète alayhi salatu wa salam: c'est nous qui t'avons fait descendre, ô Muhammad, le Coran. Patiente donc face au jugement de ton Seigneur. Le Coran, c'est une ni'ma. Lorsqu'Allah Azza wa Jal nous dit: et nous t'avons fait descendre, ô Muhammad, le Coran, on s'attendait à quoi? Remercie donc ton Seigneur. Nous t'avons fait descendre le Coran, remercie donc ton Seigneur. Non, il n'a pas dit remercie ton Seigneur. Il a dit patiente face au décret de ton Seigneur. Subhanahu wa ta'ala. Donc cela prouve, comme il dit sur le Thaymin, que toute personne qui saisit ce Coran, qui l'applique et qui l'enseigne aux gens, va rencontrer automatiquement des difficultés face auxquelles il devra patienter. Également, regardez l'invocation de ce prophète dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a raconté l'histoire, qui est dans le Bukhari et au Muslim. Lorsque ce prophète a été voir son peuple pour les inviter à Allah Azza wa Jal, ils l'ont frappé, ils lui ont lancé des cailloux, ils lui ont fait couler son sang, à tel point que ce prophète a dit quoi? Oh Allah, pardonne à mon peuple, car ils sont ignorants, ils ne savent pas. Pardonne à mon peuple, ils ne savent pas. Qui peut patienter jusque-là? alors nous pouvons bien patienter face à une réplique d'orgueil ou encore même une insulte. Et ce hadith a été rapporté par le Bukhari et le Muslim. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, nous dit وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. أي الدليل على وجوب التعلم والعمل والدعوة والصبر قوله تعالى والعصر الصورة أقسم سبحانه بالعصر وهو الدهر وهو محل الحوادث من خير وشر. لاحظ قوله والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أقسم بالعصر لأن العصر وهو الدهر وهو الزمن وهو الوقت هو محل الحوادث، هو الذي يفعل فيه الإنسان كل خير وشر، لذلك أقسم الله به. وأقسم به على أن الإنسان في خسر إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع التي قال ابن القيم رحمه الله فيها جهاد النفس أربع مراتب. جهاد النفس، قال ابن القيم جهاد النفس أربع مراتب، أما المرتبة الأولى فأن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به. وأما المرتبة الثانية فهي أن يجاهدها على العمل به، على العمل به بعد أن علمه. وأما المرتبة الثالثة فهي أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه. وأما المرتبة الرابعة فهي أن يجاهد نفسه على الصبر على المشاق في الدعوة إلى الله وأذى الخلق، وأن يتحمل ذلك كله لمن؟ لله. فإذا استكمل، قال ابن القيم، فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. والربانيين هم الصالحون الذين يعلمون الناس الخير، تفضل، الذين يعلمون الناس الخير ويربونهم عليه، وهم الذين يبدأون بصغار الأمور في التعليم قبل الكبار، بصغار المسائل قبل الكبار، هؤلاء هم الربانيون كما ذكر العلماء. انتهى كلامه. Donc, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmahullah, nous dit Sourate al-Asr, c'est la preuve sur le fait qu'il est obligatoire d'apprendre la religion et d'appliquer la religion, et ensuite de l'enseigner aux gens autour de nous, et ensuite de patienter face au mal qu'on peut rencontrer dans tout cela. Le Cheikh, il dit, remarquez qu'Allah Azza wa Jal, dans cette sourate, il a commencé par jurer par le temps. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, il nous dit pourquoi Allah a juré par le temps? Parce que le temps, c'est celui durant lequel l'être humain vit et commet tout bien ou mal parmi les actions. C'est pour ça qu'il dit, tout être humain est dans la perte, sauf ceux qui ont cru et accompli de bonnes actions. Pourquoi alors au début de la sourate, il jure par le temps? Car le temps, c'est celui durant lequel tu vis. Et c'est celui durant lequel tu fais toute bonne ou mauvaise action. Allez comme ça. Et c'est donc pour ça qu'Allah jure par le temps. Et Cheikh Uthaymeen, il nous dit, donc, tout être humain est dans la perte et le péril, sans exception, sauf ceux qui se parent de ces quatre caractéristiques-là, à savoir l'apprentissage, l'application, le conseil aux gens et la patience. Ensuite, il nous cite une très belle parole du noble savant Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qui était l'élève de Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Ibn al-Qayyim nous dit, le combat de l'âme réside dans quatre choses. Le combat de l'âme que le musulman doit effectuer à tout moment, durant toute sa vie, du matin au soir, tous les jours, réside dans quatre choses. Tout d'abord, combattre ton âme dans l'apprentissage de la guider, puisque tu ne peux réussir dans cette vie ni dans l'au-delà, et tu ne peux être heureux ni dans cette vie ni dans l'au-delà, si ce n'est avec cette guidée et cette vérité. Donc tu dois l'apprendre. Et tu ne pourras l'apprendre qu'en combattant ton âme et en patientant face à cela. Ce n'est pas facile. Comme dit Cheikh Salah al-Sheikh, Hafidhahullah, ce n'est pas facile de patienter dans les assises. Ce n'est pas facile de mémoriser, de l'essayer de comprendre, et de retenir, et d'étudier, et de répéter la leçon. Ce n'est pas facile de se tenir devant un livre ou devant un dars pendant que tes amis jouent au football, pendant que tes amis mangent, pendant que tes amis s'amusent, pendant que tes amis sont dans la baignade, pendant que tes amis voyagent et partent en vacances. Ça, c'est la parole de Cheikh Salah al-Sheikh. Dans son dars, Himmatu Salaf fi Talab al-Ilm, la motivation des salafs dans l'apprentissage de la science. Ce n'est pas facile. Donc tu dois patienter. Donc Ibn al-Qayyim dit le premier type de combat de l'âme, c'est de la combattre dans l'apprentissage de la guider. Parce que si tu n'apprends pas à la guider, tu ne seras jamais heureux, ni dans cette vie, ni après ta mort. Le deuxième combat de l'âme se fait dans l'application de ce que tu as appris. Là aussi, on a besoin d'énormément de combats de l'âme. Le troisième combat de l'âme réside dans le fait d'apprendre aux gens autour de toi ce que tu as appris à appliquer. Et le quatrième combat de l'âme réside dans le fait de patienter face à toute difficulté dans cela. Et de résister et d'endurer face à toutes les difficultés dans cela. Pour qui ? Pour Allah Azza wa Jalla. Et à la fin, Cheikh Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit, celui qui arrive à accomplir ces quatre types de combats de l'âme fera certes partie de Rabbaniyin. C'est qui Rabbaniyin ? Ce sont les pieux, les gens de la droiture qui appliquent leur science et qui enseignent aux gens, et pas de n'importe quelle manière, qui enseignent aux gens les petites choses avant les grandes choses. C'est ça Rabbaniyin. Et Allah les a loués dans le Coran al-Karim. Kounou Rabbaniyin. Soyez Rabbaniyin. Taïb, soyez pieux dans la droiture et enseignez aux gens les bonnes choses, les petites d'abord avant les grandes. Et pas comme bon nombre de gens font, et c'est une erreur de commencer à apprendre les grandes choses avant les petites. Avant d'apprendre Thalath et al-Usul, les trois fondements, il est déjà dans l'Aqid al-Wasitiyya, et il ne pourra pas comprendre les trois quarts du livre. Puisqu'il n'a pas appris Thalath et al-Usul, il n'a pas appris Qawaid al-Arba, il n'a pas appris Kashf al-Shubuhat, il n'a pas appris Kitab al-Tawhid. Taïb. Ensuite, dans le faire, tu le vois en train de lire déjà Raud al-Murabba, ou bien tu le vois déjà en train de lire comment il s'appelle Kitab ibn Qudam al-Maqdisi hada fil la ibn Qudam fil Madhahib al-Arba. Al-Muhim, tu le vois en train de lire yani Bidayat al-Mujtahid, ou tu le vois en train de lire مثلاً al-Mahalla, ou des livres, des gros livres dans le fiqh, alors qu'il n'a pas encore appris Mada, Manhaj al-Salikin, il n'a pas encore appris Kitab al-Akhdari, il n'a pas encore appris مثلاً Risalat Shurut al-Wudu, il n'a pas encore appris Risalat Shurut al-Salah, il n'a pas encore appris les conditions de la prière, les conditions des ablutions, il n'a pas encore appris Manhaj al-Salikin, il n'a pas encore appris tous des petits livres de débutants dans le fiqh, il est déjà dans les livres yani que les ulama lisent pour approfondir leur savoir. Et ainsi de suite. Rabbaniyun commence par les petites choses avant les grades. Ils apprennent un peu, ils appliquent. Ils apprennent plus gros, ils appliquent. Ils apprennent un peu plus gros, ils appliquent. Ils apprennent un peu plus gros, ils appliquent. Et pendant qu'ils appliquent, ils enseignent. Ils apprennent aux gens autour d'eux, leurs frères, leurs sœurs, leurs voisins et autres. Et en plus de tout cela, ils patientent et ils endurent. C'est ça Rabbaniyun. Fin de citation. فأقسم الله عز وجل في هذه الصورة على أن الإنسان في خيبة وخسران مهما كثر ماله وولده وعظم قدره وشرفه إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة. Donc le Cheikh nous dit, Allah عز وجل a juré dans cette sourate que toute personne est dans la perte et le péril garanti, sauf le petit nombre parmi l'humanité qui se part de ces quatre caractéristiques, à savoir qu'ils apprennent la religion d'Allah, qu'ils l'appliquent et qu'ils l'enseignent aux gens et qu'ils patientent face à toute difficulté. Ensuite, l'auteur rahimahullah nous dit وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَوْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ خَلْقِهِ حُجَّةً إِلَّا هَذِهِ السُّورَةِ لَكَفَتْهُمْ. أولا الإمام الشافعي هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي، وهو من أهل مكة رحمه الله. ولد في غزة، ولد في فلسطين في غزة سنة 150 من الهجرة النبوية، 150، وتوفي رحمه الله سنة 204، توفي سنة 204 من الهجرة، وذلك في مصر في القاهرة. فكم كان عمره؟ 54 سنة، قليل جدا هذا، مثل الإمام النووي 53، قليل جدا، وأفاد الأمة علما حميقا شاسعا، وكتب كتبه، الفقه القديم الفقه الجديد الأم وهكذا، وكتب في أصول الفقه، وكتب في الحديث، وكتب وكتب في الشعر، وكتب في الأدب، وكتب في اللغة، وكتب في الأنساب، وكتب وكتب. من كتبه من ضاعت، ومن كتبه ما هي موجودة. 54 سنة فقط. دونك الإمام الشافعي رحمه الله كي أدي، دونك لوتور دي، قال الشافعي الإمام الشافعي أدي، si Allah avait fait descendre que cette sourate, alors il suffit pour l'humanité comme preuve établie. Afin qu'ils suivent la religion d'Allah Azza wa Jal. Tout d'abord, l'imam al-Shafi'i, sa kunya c'était Abu Abdillah. Et son nom complet, c'était Muhammad. Son prénom c'était Muhammad, fils de Idris, fils de l'Abbas, fils de Uthman, fils de Shafi'i. Et il était Hashimi, faisant partie de la tribu de Bani Hashim, Qurashi, la même tribu que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il était parmi les habitants de Mecca à la base. Il était parmi les habitants de Mecca. Il est né, rahimahullah, à Gaza, en Palestine, en 150, après l'Hégire. Et il est décédé, rahimahullah, en 204, après l'Hégire. Et ce, en Égypte, au Caire. Et entre parenthèses, petite information marrante, à l'endroit même où il est mort, à l'heure actuelle au Caire, il y a un arrêt de bus. À l'endroit exact où il est décédé, rahimahullah, où il est tombé, il y a un arrêt de bus. Et il s'appelle Mahattat al-Shafi'i. Mahattat al-Shafi'i. L'arrêt de Shafi'i. L'arrêt de Shafi'i. Je l'ai vu, moi, personnellement. C'est un arrêt de bus dans un boulevard et il s'appelle Mahattat al-Shafi'i. L'arrêt de Shafi'i. Donc, il est mort, rahimahullah, en 204 en Égypte. Et il avait à peine 54 ans à sa mort. Et à 54 ans. Juste une information. Le jadd al-sadis, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc, l'imam Shafi'i rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sixième arrière-grand-père. Donc, dans le sixième, maillon de la chaîne, hein, généalogique, si on remonte. Yani. Il se rencontre, lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sixième. Donc, on voit qu'il avait à peine 54 ans à sa mort, et malgré cela, il a apporté énormément de science pour la communauté. Et il a écrit énormément de livres pour la communauté, que cela soit dans la croyance, que cela soit dans sur le fiqh, que cela soit dans le fiqh, que cela soit dans la langue arabe, que cela soit dans les poèmes arabes, que cela soit dans la généalogie et les chaînes des peuples arabes, etc. Que cela soit dans les héritages, que cela soit dans tous les domaines. Rahimahullah, à peine 54 ans. Et nous aujourd'hui, on est déjà à la moitié de son âge. On n'a encore rien fait. Donc on voit que ce n'était pas n'importe qui cette époque-là et ces gens-là. Rahimahullah. Wa muraduhu bi lakafathum ay anna hadhihi as-sura kafiya lil-khalqi fi al-hathi 'ala at-tamassuk bi dinillah bil-iman wal-'amal as-salih wad-da'wati was-sabr 'ala dhalika kullih wa laysa muraduhu annaha kafiya lil-khalqi fi jami' ash-shari'a. Fa inna al-insan al-'aqil al-basir idha qara'a hadhihi as-sura aw sami'aha fala budda فلا بد نعم نعم فلا بد أن يحفظ نفسه من الخسران وذلك باتصافه بهذه الصفات الأربع. Donc le cheikh dit lorsque l'imam al-Shafi'i رحمه الله nous dit que cette sourate aurait suffi pour l'humanité, il ne veut pas dire par là que cette sourate suffit pour appliquer toute la législation et les lois d'Allah Azza wa Jal, mais plutôt il veut dire que cette sourate suffit dans le sens où si l'être humain venait à la lire avec méditation avec méditation, eh bien, elle lui suffirait pour connaître les moyens par lesquels il pourrait se sauver de cette perte et ce péril auquel il est voué sans... auquel il est voué avec le reste des êtres humains sans exception. Donc si l'être humain venait à lire cette sourate ou entendre cette sourate avec méditation, il comprendrait le moyen, il connaîtrait les moyens par lesquels il va être sauvé du péril auquel est voué tout être humain. C'est ça qu'il veut dire. Elle te suffirait pour ne pas faire partie des gens du péril. Mais cela ne veut pas dire qu'elle suffirait pour connaître toutes les lois de la charia. Donc si toute personne... on a déjà traduit ça. ثم قال المؤلف رحمه الله وقال البخاري باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك فبدأ قال الإمام فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Ensuite il cite la parole de Bukhari رحمه الله dans laquelle il dit l'apprentissage de la religion doit venir avant toute parole et acte de la religion. Et la preuve, c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla, dont le sens est « Sache, ô Muhammad, qu'aucune divinité n'est en droit d'être adorée sauf Allah. Et ensuite, demande pardon à Allah pour ton péché. » Surat Muhammad, verset 19. L'imam al-Bukhari dit, donc on voit qu'Allah Azza wa Jalla a commencé dans ce verset par ordonner l'apprentissage et la science et le savoir, puis seulement l'adoration. Et à titre d'exemple, la demande du pardon, comme dans ce verset. أولاً الإمام البخاري هو أبو عبد الله أيضاً واسمه محمد أيضاً محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري وبخارى اليوم تقريباً في تاجيكستان ولد رحمه الله في شوال سنة 94 من الهجرة في بخارى يعني وتوفي رحمه الله في بلدة اسمها خرتنك وهي بلدة على فرسخين من سمرقند وسمرقند هذه في أين هي؟ أيضا في تاجيكستان وتوفي رحمه الله ليلة عيد الفطر سنة 256 من الهجرة كم عمره؟ 194 إلى 256 كم؟ 62 فقط 62. Donc l'imam al-Bukhari rahimahullah se prénommait également Mohammed comme l'imam al-Shafi'i Mohammed, et sa kunya c'était également Abu Abdullah comme l'imam al-Shafi'i, et son père était Ismaïl et son grand-père était Ibrahim et son arrière-grand-père était al-Mughira al-Bukhari, et Bukhara se trouve en Tadjikistan. Il est né, rahimahullah, au Tadjikistan, dans cette ville qui s'appelle Bukhara, dans laquelle se trouve à l'heure actuelle une grande école qui s'appelle Jami'at al-Bukhari, l'école d'Al-Bukhari. Elle existe actuellement. Mais ce n'est pas l'aqidat al-Sunnah al-Jama'a qui est enseignée, malheureusement. Mais elle existe. À kulli hal, il est né à Bukhara en 194, et il est décédé à Khartank, qui est un petit village non loin de Samarkand. Samarkand est très connu, également au Tadjikistan. En 256 après l'Hégire. Cela fait un total de 62 ans. Il avait 62 ans, rahmahullah. L'imam al-Bukhari a énormément voyagé en Orient pour rechercher la science et écouter le hadith de la part des rapporteurs qui étaient encore vivants. Mais au final, il est revenu en Tadjikistan. Et il est décédé, rahmahullah, pas loin de Samarkand, qui est elle aussi pas très loin de Bukhara, yani. Quelques centaines de kilomètres de Bukhara. فاستدل البخاري بهذه الآية على وجوب البداء بالعلم قبل القول والعمل وهذا دليل أثري يعني دليل سمعي من النصوص وهناك دليل عقلي نظري على ذلك وهو أن العمل لا يكون صوابا مقبولا صحيحا حتى يكون وفق الشريعة ولا يمكن أن يعلم الإنسان أن عمله على وفق الشريعة إلا بماذا؟ إلا بالتعلم. إلا بالتعلم. إذن شيخ ابن عثيمين رحمه الله، تفضل يا أخي. شيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول البخاري رحمه الله utilisé ce verset pour prouver qu'il est obligatoire d'apprendre d'abord. Allez comme ça. Et cette preuve est une preuve textuelle, donc une preuve dans les textes religieux. Mais il y a également une preuve sur l'obligation d'apprendre avant d'agir dans notre raison saine qu'Allah Azza wa Jalla nous a donnée. À savoir que tout être humain sait très bien que son action et son adoration n'est valable et n'est correcte que si elle est conforme à la législation d'Allah Azza wa Jalla et à la révélation d'Allah Azza wa Jalla. Et tout être humain sait très bien que son acte n'est conforme au message d'Allah Azza wa Jalla. Il ne peut savoir que son acte est conforme au message d'Allah Azza wa Jalla qu'en apprenant le message et la législation d'Allah Azza wa Jalla. Donc ça, bien sûr, c'est une preuve qui émane de la raison. Qui émane de la raison. ثم قال رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث. يعني هو الآن انتهى من المسائل الأربع، خلاص عرفنا الآن يجب علينا أن نتعلم ويجب علينا أن نعمل ويجب علينا أن ندعو وننصح ويجب علينا أن نصبر، ورأينا الأدلة في ذلك، ورأينا أن من الأدلة سورة العصر، ورأينا عظم شأنها كما قال الشافعي، ورأينا أيضا قول البخاري ودليله السمعي، وزادنا ابن عثيمين دليلا عقليا. أدركنا هذا. Donc on a, c'est tout. Maintenant on a appris. On a compris qu'il faut qu'on absolument qu'on donne de l'importance à quatre choses. Il faut qu'on apprenne la religion. Il faut qu'on applique la religion. Il faut qu'on l'apprenne et qu'on l'enseigne aux gens autour de nous, cette religion. Et ensuite, il faut qu'on patiente face à toute difficulté dans tout cela. D'ailleurs, on a vu que Sourate Al-Asr était une preuve sur tout ça. Et on a vu la grande importance et la grande valeur de Sourate Al-Asr, à tel point que l'imam Shafi'i a dit concernant cette sourate ce qu'il a dit. Et on a vu le sens de la parole de l'imam Shafi'i. Et on a vu la parole de l'imam Al-Bukhari sur cela également. Et on a appris également la preuve que l'imam Al-Bukhari avance sur cela. Et on a vu que la preuve de l'imam al-Bukhari était une preuve textuelle, yani dans les textes de la sharia, Qur'an wa sunnah. Et Cheikh Ibn Uthaymeen nous a rajouté une preuve qui émane de la raison saine. Alors maintenant on a compris qu'il faut qu'on apprenne, qu'il faut qu'on applique, qu'il faut qu'on conseille les gens et qu'il faut qu'on patiente. Et on commence dans la patience par le fait de patienter sur ces cours, en commençant par moi bien sûr, que je dois patienter dans le fait de lire et traduire pour mes frères, mais également vous, patientez face au fait d'écouter, d'assister, de retenir, de réviser, etc. Et après qu'on aura terminé, qu'on aura tous appris, on aura tous compris, on devra appliquer. Et puis qu'on aura appliqué, on devra apprendre tout ce qu'on apprend ici à nos familles, et ainsi de suite. Donc on a appris ces quatre choses-là, on a compris. D'accord ? L'auteur passe à un point suivant et il dit اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. حسين، quels sont les quatre points auxquels tout musulman doit donner de l'importance dans sa vie? Apprendre, science, appliquer, prêcher, enseigner et endurer. Mohamed, quels sont les quatre points? Je dis face aux différentes difficultés. Face aux difficultés. Mohamed, les quatre points? L'apprentissage de la science, son application, son enseignement aux proches, et patienter sur ça. Barakallahu fik. Maintenant, le cheikh, après avoir terminé avec ces quatre points-là, il nous enseigne trois nouveaux points. On voit comment le cheikh, il résume les choses en quelques points, avec quelques preuves, afin que ce soit facile à assimiler et facile à retenir. Car une petite parole avec une preuve vaut mieux qu'un discours difficile à retenir. Il dit, sache qu'Allah te fasse miséricorde. On a appris c'est quoi le savoir, l'ilm. On a appris pourquoi il te dit rahimakallah, par affection envers toi. Et également parce que l'ilm c'est une rahma. Sache qu'Allah te fasse miséricorde. Que tout musulman et musulmane doit comprendre trois choses et les appliquer avec son cœur et ses actes. Ces trois choses-là, c'est quoi? La première chose, c'est que tu saches qu'Allah Azza wa Jal nous a créé et nous a donné ce dont on a besoin dans notre vie, comme subsistance. Et il ne nous a pas laissé à l'abandon. Plutôt, il nous a envoyé un messager pour être sur la voie droite. Et toute personne qui obéit à ce messager entrera au paradis. Et toute personne qui désobéit à ce messager ira en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Et voici la preuve du Coran al-Karim. Nous vous avons certes envoyé un messager comme nous en avons envoyé un à ceux avant vous. Comme nous en avons envoyé un à Pharaon. Mais Pharaon, hein? Nous vous avons envoyé un messager témoin sur vous. Témoin contre vous. Sur vous ou contre vous. Ça dépend si tu le suis, si tu ne le suis pas. Nous vous avons envoyé un messager comme témoin. Comme nous avons envoyé avant vous à Pharaon un messager. Et certes, Pharaon a désobéi au messager. فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. Nous l'avons saisi avec un dur châtiment. C'est comme ça qu'il traduit ça? Nous l'avons saisi rudement. Nous l'avons saisi rudement. Donc on voit que Pharaon, lorsqu'il a désobéi au messager qui est Moussa alayhi salam, on connaît tous le châtiment qu'Allah Azza wa Jalla lui a infligé. Donc de manière générale, toute personne qui désobéit au messager, qu'est-ce qui lui arrive? Le châtiment d'Allah Azza wa Jalla. Et qu'Allah nous en préserve. Donc, c'est une preuve valable ou pas pour le premier point que le cheikh cite. Toute personne qui obéit au messager ira au paradis, toute personne qui lui désobéit subira le châtiment. C'est une preuve bonne ou pas? C'est une preuve valable? C'est une preuve valable. Le premier point, c'est qu'on sache qu'Allah Azza wa Jalla nous a créés. C'est lui qui nous a créés. Il nous a donné notre subsistance. Et il ne nous a pas laissé à l'abandon sur terre, comme les animaux, on mange et on boit et on meurt, et il n'y a aucun résultat et aucun but. Plutôt, il nous a envoyé un messager qui lui obéit. Il ira au paradis, qui lui désobéira en enfer. La preuve? Le sens du verset, nous vous avons envoyé un messager comme témoin, comme nous avons envoyé à Pharaon avant vous, un messager. Pharaon a désobéi au messager, nous l'avons donc saisi d'un rude ou d'un dur châtiment. قال الشيخ ابن عثيمين قوله أن الله خلقنا على هذا أدلة سمعية وعقلية لابد أن يدرك المسلم الدليل على كل شيء يعتقده. كل مسلم يقول الله هو الذي خلقنا, ما الدليل؟ لا يعرف. هذه مصيبة. كيف لا تعرف الدليل على أن الله خلقك وأنت تقول ربي هو الذي خلقنا؟ ما الدليل؟ لا أعرف. هذه مصيبة. فالدليل على ذلك من القرآن الكريم أدلة كثيرة, منها قوله تعالى هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا, وقوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم, وقوله ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون, وقوله من آياته أن خلقكم من تراب ثم أنتم بشر تنتشرون, وقوله خلق الإنسان من صلصال كالفخار, وقوله الله خالق كل شيء, وقوله والله خلقكم وما تعملون, وقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. Dans le Coran al-Karim, ainsi que dans la Sunna prophétique authentique, il y a énormément de preuves sur le fait que c'est Allah Azza wa Jalla qui nous a créés. Parmi les preuves, le Cheikh nous cite quelques versets. Donc le sens est, le sens des versets sont les suivants. Et nous vous avons créé, ensuite nous vous avons donné votre apparence. Ensuite nous vous avons donné votre apparence. Vous voyez? Également la parole d'Allah Azza wa Jal, nous avons créé l'être humain à partir d'argile. Également la parole d'Allah Azza wa Jal, nous vous avons créé à partir de terre. Et vous voici. Et voici donc. Non. Nous vous avons créé à partir de terre. Et vous voici donc des êtres humains se propageant sur terre. Se propageant sur terre. Également la parole d'Allah Azza wa Jal, Allah a créé l'être humain à partir d'argile. Également la parole d'Allah Azza wa Jal, Allah a créé toutes choses. Également la parole d'Allah Azza wa Jal, Allah vous a créé ainsi que tout ce que vous faites comme acte. Nos actions également. C'est Allah qui les a créées. Allah Azza wa Jal dit, nous n'avons créé les djinns et les humains que pour qu'ils... Et je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et autres parmi les preuves. Il y a également des preuves qui émanent de la raison. Il y a également des preuves qui émanent de la raison saine qu'Allah nous a donnée, qui prouvent que c'est Allah qui nous a créés. وَقَدْ أَشَارَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى دَلِيلٍ عَقْلِيٍّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي خَلَقَنَا وعلى أن هناك رب واحد خلقنا أشار إليه في قوله تعالى في سورة الطور الآية 35 أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون فتعين بهذا أن الله هو الخالق وحده فلا خالق ولا آمر إلا الله وحده قال تعالى ألا له الخلق والأمر ولم ينكر أحد من الخلق ربوبية الله عز وجل إلا على وجه المكابرة كما حصل من فرعون وعندما سمع جبير بن مطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ الطور فبلغ هذه الآية وكان جبير يومئذ مشركا فقال كاد قلبي أن يطير وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي كان جبير بن مطعم يمر وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون سمع هذه الآية قال فلما سمعت هذه الآية كاد قلبي أن يطير وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. Allah Azza wa Jal, dans le Coran al-Karim, a fait allusion à une preuve qui réside dans notre raison, dans la raison saine qu'Allah Azza wa Jal nous a donnée, et qui prouve qu'il y a un seul créateur, et c'est Allah Azza wa Jal. Il fait allusion à cette preuve qui est dans notre raison, dans sa parole, Jalla wa Ala, qui est dans Surat al-Tur, verset 35. Sont-ils apparus soudainement ou se sont-ils créés eux-mêmes? Sont-ils apparus soudainement? Ont-ils été créés? Les êtres humains existent-ils suite à une apparition soudaine? Ou bien encore ils se sont créés eux-mêmes? Ou se sont-ils créés et modelés eux-mêmes? Bien sûr, ni l'un ni l'autre. Aucun des deux n'est possible. Car celui qui n'existe pas ne peut se créer. Celui qui n'existe pas ne peut se créer. D'ailleurs, mais on sait très bien qu'on n'est pas apparu soudainement. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, nous dit également, il nous informe également, qu'aucun parmi l'humanité, aucune personne parmi l'humanité n'a rejeté la seigneurie d'Allah Azza wa Jal. Si ce n'est par orgueil. Si ce n'est pas orgueil, il y en a parmi les anciens, sur lesquels on a les histoires entre eux et leurs prophètes. Aucun n'a rejeté la seigneurie d'Allah Azza wa Jal. Aucun n'a rejeté que c'est Allah le Créateur et que c'est lui qui nous donne notre subsistance et qui nous fait vivre et mourir et qui nous fait vivre et qui nous fait mourir. Aucun n'a rejeté cela, si ce n'est par orgueil, comme cela est arrivé de la part de Pharaon. Et il nous raconte également l'histoire de l'un des salafs, l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était à ce moment-là polythéiste et non musulman, qui s'appelait Jubayr ibn Mut'im. Il est un jour passé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jubayr ibn Mut'im, alors que celui-ci récitait Sourate al-Tur, Sourate At-Tur. Il est arrivé au verset 35 où Allah Azza wa Jalla dit: sont-ils apparus soudainement ou se sont-ils créés eux-mêmes? Jubayr ibn Mut'im l'a dit: lorsque j'ai entendu ce verset de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mon cœur a failli s'envoler. Et j'ai été fortement touché par ce verset. Et c'est la première fois que la foi a pénétré mon cœur. C'est la première fois que la foi a pénétré mon cœur. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ وَرَزَقَنَا أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَنَا وَرَزَقَنَا وَالْأَدِلَّةُ عَلَى هَذَا مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ كَثِيرَةٌ جِدَّا وكذلك أدلة في العقل أدلة عقلية أما الأدلة من الكتاب فمثل قوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وكذلك قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وكذلك قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار أَمَّنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Quant à sa parole, rahimahullah, après avoir dit il faut que tout musulman et musulmane sache que c'est Allah qui nous a créé, il a dit et qu'il sache également que c'est lui qui nous a donné tout ce dont on a besoin comme subsistance. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, nous dit que dans le Coran ainsi que dans la Sunna, ainsi que dans notre raison saine de laquelle Allah nous a dotés, il y a bon nombre de preuves sur le fait que c'est lui qui nous a donné notre subsistance, subhanahu wa ta'ala. Parmi les preuves dans le Coran, il y a les paroles d'Allah Azza wa Jal suivantes. D'où le sens est, c'est Allah qui donne la subsistance et c'est lui qui a... Et c'est lui le puissant à la force solide. C'est lui qui donne la subsistance et c'est lui le puissant à la force solide. Également, il dit, Jalla wa ala, dis-leur, ô Muhammad, qui vous donne votre nourriture du ciel et de la terre? Dis-leur, c'est Allah. Dis-leur, c'est Allah. Également, dans la parole d'Allah, Azza wa Jal, dis-leur, ô Muhammad, qui vous donne votre nourriture du ciel et de la terre? Qui détient l'ouïe et la vue? Qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant? Et qui dirige toutes choses? Ils te répondront très certainement, c'est Allah. Réplique-leur donc en leur disant, ne craignez-vous donc pas Allah? Ne le craignez-vous donc pas? Pourquoi donc êtes-vous polythéiste? وَأَمَّا الْأَدِلَّةُ مِنَ السُّنَّةِ فَكَثِيرَةٌ أَيْضًا وَمِنْهَا قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم يبعث يعني في حديث ابن مسعود في خلق الجنين في بطن أمه يقول صلى الله عليه وسلم ثم يبعث إليه يعني إلى الجنين ثم يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد رواه البخاري ومسلم. Également dans la Sunna, hadith al-Bukhari muslim, qui est rapporté par Abdullah ibn Mas'ud et qui est, si je ne me trompe pas, le cinquième hadith de l'Arba'in al-Nawawiyya, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte les étapes par lesquelles passe tout être humain dans le ventre de sa mère. Et à un certain moment, il dit alayhi salatu wa sallam, ensuite Allah envoie un ange vers ce fœtus. Et il lui ordonne d'écrire quatre choses le concernant. La première étant sa subsistance. La deuxième, l'heure de sa mort, ou le jour de sa mort, la date de sa mort. La troisième, ses actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et la quatrième, son état d'être, à savoir heureux ou malheureux dans sa vie. Rapporté par le Bukhari aussi. La première chose, sa subsistance. C'est qui ordonne d'écrire la subsistance qu'il a décidé de lui donner? C'est Allah Azza wa Jalla qui envoie cet ange. Donc on voit également dans Sunnah, il y a des preuves évidentes sur le fait que c'est Allah Azza wa Jal qui donne un rizq. Si quelqu'un te demande, quelle est la preuve dans la sunna sur le fait que c'est Allah qui nous donne notre nourriture et ce dont on a besoin? Hadith ibn Mas'ud. Lequel? Les étapes du développement du fœtus dans sa mère, dans le ventre de sa mère. وَمِنْ أَدِلَّةِ الْعَقْلِيَةِ أَنَّنَا لَا نَعِيشُ إِلَّا عَلَى طَعَامٍ وَشَرَابٍ. والطعام والشراب من خلقه الله عز وجل كما قال تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون سورة الواقعة الآية 63 إلى 70. ففي هذه الآيات بيان أن رزقنا طعاما وشرابا من عند من؟ من عند الله عز وجل. Et dans notre raison saine, il y a également une preuve claire sur le fait que c'est Allah عز وجل qui nous donne notre nourriture et notre boisson. Et parmi ces preuves qui se trouvent dans la raison, il y a cette preuve à laquelle Allah عز وجل fait allusion dans le Coran al-Karim. Dans Sourate al-Waqi'ah, verset 63 jusqu'au verset 70. Allah il dit dans le Coran al-Karim, voyez-vous les champs que vous labourez, est-ce vous qui faites pousser les récoltes ou bien nous? Si on avait voulu, on l'aurait anéanti. Yani, si on avait voulu, on aurait anéanti vos récoltes. Alors vous rendrez compte à ce moment-là. Et vous direz, qu'est-il arrivé à nos récoltes? Plutôt, vous direz par après, nous sommes privés. Voyez-vous l'eau que vous buvez? Est-ce vous qui l'avez fait descendre du ciel ou bien nous? Et si on avait voulu, on aurait fait disparaître cette eau. Pourquoi n'êtes-vous pas reconnaissant? Donc on voit qu'Allah Azza wa Jalla interpelle les humains par rapport à leurs champs, par rapport à leurs récoltes et leurs fruits, par rapport à l'eau qu'ils boivent. Et ensuite il leur dit, subhanahu wa ta'ala, est-ce vous qui faites pousser tout cela? Et est-ce vous qui créez cette eau et qui la faisait descendre du ciel? Et si j'avais voulu, je vous aurais privé de tout ça. Pourquoi n'êtes-vous pas reconnaissant? Donc Cheikh Al-Uthaymeen rahmallah nous dit, dans tous ces versets, on voit clairement que notre nourriture et notre boisson et toute notre subsistance nous vient de la part d'Allah Azza wa Jal. Cela fait une heure et on va s'arrêter ici, Inch'Allah Ta'ala. Et on continuera la fois prochaine dans ce qu'il reste parmi les trois points. Parmi les trois points qu'on devait mémoriser pour aujourd'hui. Allahu A'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك